Je me présente devant vous comme le représentant d'une population en danger. On nous dit qu'avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, mon pays, les Maldives, pourrait avant la fin de ce siècle disparaître de la surface de la Terre. Un cri d'alarme lancé lors du premier sommet de la Terre. C'est en juin 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil. Un événement unique. Le président Abdoul Gayoum interpelle le monde. Son pays pourrait être rayé de la carte. I just been fucking born. I realize.

Heywood Floyd était désorienté. Il ne reconnaissait plus la salle de contrôle de Leonov qu'il avait toujours connue en apesanteur. Et de même, les événements qui venaient de se passer avaient pour lui quelque chose d'irréel, lui donnaient l'impression d'un cauchemar au ralenti sorti d'un film d'horreur classique. Il n'avait connu pareille situation qu'une fois dans sa vie, lorsqu'il s'était trouvé à l'arrière d'une voiture partie dans un dérapage incontrôlable. Il avait eu alors le même sentiment d'impuissance, accompagné de cette pensée « Cela n'a pas vraiment d'importance, ce n'est pas à moi que cela arrive. » Une fois la mise à feu commencée, son humeur changea et la réalité se remit en place. Tout se passait comme prévu, Hal les reconduisait sans encombre vers la terre et à chaque minute, leur avenir paraissait plus sûr. Floyd se détendit, mais continua de surveiller ce qui se passait autour de lui. Illumination through fornication. I've seen the nation go. Ils la revirent le lendemain matin, heure du vaisseau, quand ils passèrent devant la face éclairée de la planète. La tache s'était agrandie jusqu'à couvrir une bonne partie de l'hémisphère visible et ils purent enfin l'étudier à loisir. « Savez-vous ce que cela me rappelle ?» dit Katerina. « Un virus s'attaquant à une cellule. La façon dont un phagocyte injecte son ADN dans une bactérie puis se multiplie jusqu'à en prendre le contrôle. « Voulez-vous vraiment dire, s'écria Tania d'une voix incrédule, que Zakatka est en train de manger Jupiter ? Cela m'en a tout l'air. Pas étonnant que Jupiter ait l'air malade. Mais l'hydrogène et l'hélium ne font pas un régime très nourrissant. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette atmosphère. Quelques traces d'autres éléments, c'est tout. We'll be right back. For Bob and Selena Garland, love has become little more than a memory. Confronted by the loss of a job, a house, and an untimely, unwanted pregnancy, they are trying, for the moment, to forget. That may be difficult, though, in a land of slow glass. Yeah. I might not ever work things out. I might live my whole life not knowing how. I've survived up until now, and it's all been worth it. It's just hard sometimes in the heat of the moment. I can't see through these eyes at times how the picture really sits. It's hard without a frame to understand how big the picture is. Just how big the picture really is, and if it fits. It's a centuries hence, long after the second neutronic cataclysm, long after human stock was severely depleted and the genetic scientist altered Earth animals to create a new species, a race of catmen, oxmen, pigmen, and other animal derivatives. Man has strived to create an almost perfect world for himself. A just and untroubled world, a paradise for all. For all, that is, but the new species. They have become the wretched, the despised. Now called the underpeople, they live in constant fear of a monitor called the Bell. Yeah, I'm the dog, get my-

Interplanetary traffic with an update at 7 Eastern, 6 Central, 5 Mountain, and 4 p.m. Pacific time, if you're heading for North America. Jeez, 6 o'clock already. Those of you commuting from Ganymede to Earth are in for a long flight home. Now tell me something new. Jupiter is in opposition to Earth, so you've got a little farther to go tonight. Heavy traffic on the Mars-Jupiter interchange is bringing the flow to a dead stop every few million miles. So watch out for emerging craft there. Thank God, I'm already past that. And speaking of dead stops, there's a 15-ship pileup working on the Ganymede Earth artery, 6.5 million miles on the Earth side of the interchange. Oh, no. Repair ships are on the scene, so if you see any floating debris coming your way, duck. That's about it. IT, Interplanetary Traffic, back with more good news in 15 minutes. If I had wound up there, would I walk around with that look on my face? The dreaded look of having been condemned to this place. Never. me just for a moment. Look at me, boo. No wonder I'm feeling bored all the time. Could it be that I'm wrong? I'm not on the bed then again. Or is it that I'm dreaming? Look at my finger, my hinges just for a moment. Look at me, woo-hoo. What am I feeling bored all the time? Could it be that I'm wrong, I'm not hung up, but then again? Oh, it would be nice for everyone. It would be nice for everyone. Oh, what a lovely way to be. Oh, what a lovely way to be. It would be nice for everyone. Ik ben op weg. C'est une chaude journée de juin. Je suis installé dans mon bureau, en paix avec le monde et caressant l'illusion que, pour une fois, le monde est en paix avec moi. Et voilà Paula qui passe sa charmante tête par l'entrebâillement de la porte et brise mon rêve insensé. Vous avez l'affaire Wingrove à liquider, dit-elle. Il y a des moments où je regrette d'avoir mis sur pied l'agence Universal Service. Quel que soit l'obstacle, nous le surmonterons. Pour amener de l'argent dans la caisse, ce n'est pas un mauvais filon, et si un autre que moi en avait conçu le principe, je lui aurais tiré mon chapeau. Mais quand il me faut affronter une salade, comme l'affaire Wingrove, j'ai envie d'aller me faire expliquer par un psychiatre comment j'ai pu me foutre dans une telle galère. La mission Wingrove est un genre de boulot que si j'en avais eu le choix, je n'aurais pas touché avec des pincettes longues comme ça. Mais elle s'était glissée dans le bureau, conjointement avec une provision de $500, un jour où j'étais alité avec la gueule de bois. Paula avait encaissé le fric et envoyé un accusé de réception. La fille de Justin Wingrove, l'un des citoyens les plus en vue d'Orchid City, avait pris la tangente et le papa comptait sur moi pour la persuader de réintégrer le foyer familial. James Hardley Chase. House of violence, I'm laughing at the tyrant. l'impression d'être enveloppé par tous les échecs du monde. J'ai écrit les chansons pour tirer le sol, que je ne pourrais compter à personne, pour te rencontrer. Mais c'est quand même vraiment bien la merde autour. On va pas se mentir, on a peur de tourner en rond. Mais regarde, c'est juste la terre qui nous tarde. C'est comme si la pire chose au monde était le sens de la vie. Je n'avais pas grand-chose à lui offrir en contrepartie. Wingrove est gros, vieux et méchant. Il entretient une danseuse de chez Ralph Bannister dans un appartement à terrasse de Feldman Street. C'est une grande blonde effrontée dont les façons de vivre auraient scandalisé un singe. Le bonhomme est radin, despotique et égoïste. Sa femme s'est tirée avec le chauffeur, un mec deux fois plus jeune qu'elle, mais avide de son fric. Son fils fait une cure de désintoxication dans une clinique privée. En somme, une ambiance familiale bien peu propice pour inciter une fille à réintégrer le bercail. Il faut dire aussi que je n'ai jamais vu la fille. Pour autant que je sache, elle est fondue dans le même moule. Si tel est le cas, comme tout me permet de le croire, mon boulot sera simplifié. D'après les notes de Paula, consignées dans le dossier de l'affaire, la môme vit avec le nommé Jeff Barat, un désœuvré connu pour ses mœurs dissolues et pourries à souhait. James Hardley Chase. of the unknown, staring into the eyes of what I don't know. What if it could kill me? What if we'll be right back. On m'a donné un tuyau. La gosse est mineure et Wingrove peut l'obliger à rentrer au sein de la famille, usant de sa puissance paternelle. Mais Barat n'est pas homme à la laisser filer sans dire ouf, et la gosse, de son côté, se rebiffera sûrement. À première vue, c'est un boulot de longue haleine et qui serait plutôt du ressort de la police. Mais Wingrove a horreur de ce genre de publicité. Il sait que si la police ramène la gosse, l'affaire paraîtra dans les journaux à la une. Il a donc fait ce qu'ont fait tant d'autres lorsqu'ils se sont trouvés qu'une très sale histoire sur les bras. Ils se sont défaussés sur moi. Enough is enough. time to decide to drink the rest of the alcohol. We've got to fight, live it up and have it up. Depuis 3 jours, je feintais pour passer au travers et j'avais déjà conçu l'espoir que Paula avait oublié le dossier. Pauvre de moi. Et j'ouvre un œil et la regarde avec reproche. L'affaire Wingrove qu'elle répète d'un ton sans réplique. Et là-dessus, elle entre dans mon bureau. Je me redresse. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je n'en veux pas de ce boulot? Renvoyez le fric et dites que je suis trop occupé. Dois-je comprendre que vous refusez 500 dollars? Je n'en veux pas de ce boulot. Mais qu'est-ce qu'il a donc qui ne vous plaît pas? Se me demande-t-elle d'une voix patiente. Ça ne vous prendra pas plus d'une heure. Ce serait un crime de le refuser. Si c'est un crime de refuser une affaire pareille, je veux bien être un criminel. Bon, et maintenant, ne me dérangez plus. Allez voir ce Wingrove et expliquez-lui que nous sommes débordés et nous ne pouvons nous charger de son affaire. trash, you're bitter to a dash. Get up out of bed, breaking your sweat. Your dental stone, your fist become rock. You can look at the sun, look at the sun. Oh, dear Pat, look at the sun. Trash, your brain to attach, get up out of bed, brain is wet, new dental stone, your fist become rock, you can live in the sun, live in the sun, oh, see that, live in the sun. And you'll never want dry when you're growing your own. Je me demande parfois pourquoi vous avez ouvert cette agence, dit Paula d'un ton acide. Vous n'avez pas oublié, j'espère, qu'il y a des factures à payer en fin de mois. Notamment ce meuble que vous avez voulu acheter à tout prix et qui n'a pas encore été payé. Je me rends compte qu'elle va me sortir le grand jeu si je ne l'arrête pas à temps. Bon, ça va. Envoyez-y Kerman. Il pourrait bien mettre la main à la pâte pour changer. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours moi qui hérite des sales boulots. À voir comment on me traite ici, on ne dirait jamais que le business m'appartient. Filez donc l'affaire à Kerman. Et il apprend à conduire à Miss Ritter. Comment encore ? Il est toujours en train de lui apprendre à conduire à cette Miss Ritter. Elle est un peu demeurée, cette pauvre fille, ou quoi ? Ça ne s'est jamais vu qu'on mette 2 mois plein à 6 heures de leçons par jour pour apprendre à conduire. Il faut être complètement imbécile pour ne pas y arriver. Elle trouve que Kerman est adorable, dit Paula en dissimulant un sourire, affaire de goût. Mais elle prétend que d'être assise à son côté dans une voiture est une sensation délicieuse que toute femme doit avoir éprouvée au moins une fois dans sa vie. Je ne crains de ne pas partager entièrement ce point de vue et sans être vache, j'ai idée que Miss Ritter est un peu hystérique. Enfin, tout ça n'a aucune importance du moment qu'elle paye bien. C'est tout ce qui vous intéresse, le fric. Alors, sous prétexte que Miss Ritter est hystérique et Kerman adorable, je dois me taper tous les sales boulots. C'est bien ça que vous insinuez. Mais vous pouvez toujours engager un autre adjoint. Oui, c'est ça. Et qui c'est qui fout l'argent en l'air maintenant ? Bon, c'est d'accord. Mais à partir de demain, il est entendu que Kerman se fout au boulot. Et moi, je vais apprendre à conduire à Miss Ritter. Si elle croit que Kerman est un être sensationnel, elle n'aura pas fini d'en voir. Vous voulez l'adresse ? 247 Jefferson Avenue, commença Paula. Je la connais, vous n'avez pas besoin de me la rappeler. Quand je mourrai, ouvrez-moi en deux et vous trouverez cette adresse gravée sur ma vésicule biliaire. Depuis 5 jours, je l'ai entendue plus de 1000 fois. Je saisis mon chapeau et franchis la porte. Après qu'il y a encore... Yeah.